Chapitre 5. La femme au XIXe siècle. Les leçons du présent et les exemples du passé. L'émancipation politique des femmes, jugée par l'école révolutionnaire, les honteux spectacles que donnaient les flagelleuses, les émeutes que les femmes des clubs suscitaient dans les rues, devinrent bientôt un grave embarras pour la République. Les hommes de la Révolution avaient bien pu se servir des femmes pour faire réussir leurs projets, mais ils n'entendaient pas qu'elles dussent être entre leurs mains, autre chose qu'un instrument plus ou moins conscient de son rôle. Ils se souciaient fort peu de les associer à ces droits politiques que leurs pétitions réclamaient, qu'Olympe de Gouges défendait et qu'appuyait Condorcet. Mirabeau, qui jetait si volontiers les femmes à la tête de l'insurrection, les hommes de la terreur, qui les employaient au service de leurs passions cruelles, ne voulait la révolution que dans l'État et non dans la famille. La République se bornait donc à décerner des honneurs aux femmes qui la servaient. Mais bien loin de leur accorder des droits politiques, elle leur en enlevait un qu'elle tenait de la monarchie et leur retirait ceux qu'elle leur avait elle-même octroyés. Le 22 mars 1791, l'Assemblée nationale excluait les femmes de la Régence. La loi du 20 mai 1793 les bannit des tribunes, de la Convention, jusqu'à ce que l'ordre fût rétabli. Et la loi du 26 mai leur interdit l'assistance à toute assemblée politique. Enfin, lorsque, après la chute des Girondins, les Jacobins n'eurent plus besoin des tricoteuses, la Convention s'inquiéta des scandales et des émeutes causées par le club de Rose Lacombe. Elle jugea que les femmes étaient incapables d'exercer des droits politiques, qu'elles étaient disposées par leur organisation à une exaltation qui serait funeste à la chose publique et que les intérêts de l'État seraient bientôt sacrifiés à tout ce que la vivacité des passions peut produire d'égarement et de désordre. Le 9 Brumaire 1793, un décret de la Convention ferma donc les clubs de femmes. Les citoyennes réclamèrent devant l'Assemblée qui les hua. Mais le 27 Brumaire, Rose Lacombe jette dans la salle où siège le Conseil général de la Commune son armée de femmes, coiffées du bonnet rouge. Des protestations s'élèvent du sein de l'Assemblée. Alors le même homme, qui naguère a enjoint aux femmes de tricoter au milieu des honneurs publics qu'elles revendiquaient, le procureur général Chaumette, se lève et s'écrie « Je requiers mention civique au procès-verbal, des murmures qui viennent d'éclater. C'est un hommage aux mœurs, c'est un affermissement de la République. Et quoi, des êtres dégradés, qui veulent franchir et violer les lois de la nature, entreront dans les lieux commis à la garde des citoyens, et cette sentinelle vigilante ne ferait pas son devoir ?» Citoyens, vous faites ici un grand acte de raison. L'enceinte où délibèrent les magistrats du peuple doit être interdite à tout individu qui outrage la nature. Et depuis quand est-il permis aux femmes d'abjurer leur sexe, de se faire hommes? Depuis quand est-il d'usage de voir des femmes abandonner les soins pieux de leur ménage, le berceau de leurs enfants, pour venir sur la place publique, dans la tribune, aux harangues, à la barre du Sénat, dans les rangs de nos armées, remplir les devoirs que la nature a répartis à l'homme seul? À qui donc cette mère commune a-t-elle confié les soins domestiques? Est-ce à nous? Nous a-t-elle donné des mamelles pour allaiter nos enfants? A-t-elle assez assoupli nos muscles pour nous rendre propres aux soins de la lutte de la cabane et du ménage? Non, elle a dit à l'homme, sois homme, les courses, la chasse, le labourage, les soins politiques, les fatigues de toute espèce, voilà ton apanage. Elle a dit à la femme, sois femme, les soins dus à l'enfance, les détails du ménage, les douces inquiétudes de la maternité, voilà tes travaux. Mais tes occupations assidues méritent une récompense. Eh bien, tu l'auras, et tu seras la divinité du sanctuaire domestique. Tu régneras sur tout ce qui t'entoure, par le charme invincible de la beauté, des grâces et de la vertu. Femmes imprudentes qui voulez devenir des hommes, n'êtes-vous pas assez bien partagées? Que vous faut-il de plus? Le législateur, le magistrat sont à vos pieds. Votre despotisme est le seul que nos forces ne puissent abattre, puisqu'il est celui de l'amour, et par conséquent celui de la nature. Au nom de cette même nature, restez ce que vous êtes, et loin de nous envier les périls d'une vie orageuse, contentez-vous de nous les faire oublier au sein de nos familles, en reposant nos yeux sur le spectacle enchanteur de nos enfants heureux par vos soins. Ces mégères, ces flagelleuses, perdent leur assurance effrontée. Elles retirent leurs bonnets rouges et les cachent. Le terrible procureur général remarque ce mouvement. « Ah, je le vois, dit-il, vous ne voulez point imiter ces femmes hardies qui ne rougissent plus. » il leur dit quelle néfaste influence politique ont exercé les femmes. Il leur parle avec dédain d'une Olympe de Gouges, une Virago, une femme-homme. Nous voulons, ajoute-t-il, que les femmes soient respectées. C'est pourquoi nous les forcerons à se respecter elles-mêmes. On dirait des magistrats à une femme qui se plaindrait des atteintes d'un jeune étourdi, lorsqu'ils allégueraient pour sa défense. « J'ai vu une femme, avec les allures d'un homme. Je n'ai plus en elle respecté son sexe. J'en ai agi librement. » Autant nous vénérons la mère de famille qui met son bonheur à élever, à soigner ses enfants, à filer les habits de son mari et à alléger ses fatigues par l'accomplissement de ses devoirs domestiques, autant nous devons mépriser, conspuer la femme sans vergogne qui endosse la tunique virile et fait le dégoûtant échange des charmes que lui donne la nature contre une pique et un bonnet rouge. On ne pouvait mieux dire, mais ce n'était pas aux hommes de la terreur qu'il appartenait de flétrir les excès qu'ils avaient encouragés et qui leur avaient été si utiles. Quoi qu'il en fût, le Conseil général de la Commune adopta cette motion de Chaumette. « Je requiers que le Conseil ne reçoive plus de députations de femmes qu'après un arrêté pris. À cet effet, sans préjudice au droit qu'ont les citoyennes d'apporter aux magistrats leurs demandes et leurs plaintes individuelles. » Les clubs de femmes étaient morts. Ils devaient revivre. Les mégères elles-mêmes devaient reparaître mêlées à cette écume que font surgir toutes les révolutions. 1848 les a vues couper les têtes des gardes mobiles. En 1871, leurs sinistres et fauves figures nous sont apparues à la lueur des incendies allumés par ces infernales créatures, les pétroleuses. Le mouvement révolutionnaire, qui jette jusqu'aux femmes dans les luttes de la rue, a chaque fois aussi fait bouillonner dans leur cerveau l'idée de l'émancipation politique. Malgré le mauvais accueil que les révolutionnaires de 1789 et de 1793 avaient fait à cette émancipation, chaque fois que la République s'est établie en France, les mêmes revendications se sont produites. Et comme 1848-1870 a ramené les doléances de quelques femmes et les plaidoyers plus ou moins intéressés de leurs défenseurs. Avant 1848, cependant, les Saint-Simoniens avaient prêché l'égalité des deux sexes, l'admissibilité de la femme à toutes les fonctions publiques. Pour défendre l'émancipation, les avocats de cette cause n'ont guère fait que reproduire les arguments de leurs devanciers. De même que Condorcet en 1790, ils prétendent que la femme possède les mêmes droits naturels que l'homme et qu'elle est capable de les exercer. Partant de ce principe que les deux sexes sont égaux moralement, voire même physiquement, les émancipateurs des femmes réclament pour elles, outre l'égalité des droits civils, l'égalité des droits politiques et le libre accès à toutes les fonctions publiques. Nous parlerons tout à l'heure de l'émancipation civile. Bornons-nous maintenant à la question des droits de la femme dans l'État. Tout d'abord, j'avoue humblement que je ne crois pas que l'homme et la femme aient les mêmes droits naturels. La femme ayant d'autres devoirs à remplir que ceux de l'homme a aussi d'autres droits. Quant aux capacités politiques de la femme, je crois avoir suffisamment démontré qu'elles ne valent assurément pas ses qualités morales. Dans l'histoire de notre pays, comme dans les annales de l'Antiquité, nous avons pu constater que le passage de la femme dans la vie politique d'un peuple a été le plus souvent désastreux. L'histoire légendaire d'Hérodote nous parle bien d'une sage et habile reine de Carie, Artémise, qui fut aussi prudente dans le conseil que vaillante dans le combat. Mais pour une Artémise, que d'Athalie, d'Olympias, de Livie, d'Agrippine. Quand ces femmes antiques possédaient le pouvoir, c'était pour elles le moyen de faire triompher leurs passions ou leurs ambitions effrénées. Dans notre France chrétienne, ce n'est guère que par la foi patriotique et religieuse, par la charité sociale, que les femmes ont eu une influence heureuse sur les destinées de notre pays. Mais ont-elles exercé le pouvoir politique? Cela n'a été que bien rarement pour le bonheur de la France. En présence de grandes exceptions, telles que Sainte Bathilde, Blanche de Castille, Anne de Beaujeu, voici Frédégonde, voici Brunehaut dans la seconde partie de sa vie, voici Catherine de Médicis, Marie de Médicis, voici encore les femmes politiques de la Révolution, c'est-à-dire toujours et partout le sentiment personnel substitué à l'idée du droit. On me répondra peut-être que pour sacrifier la justice à la passion, il n'est pas nécessaire d'être femme, et que plus d'un roi, plus d'un homme politique n'a vu dans le pouvoir que l'instrument de son bon plaisir. Oui, sans doute, mais pour les hommes eux-mêmes, qui se sont laissés entraîner par la passion, il est rare qu'ils n'aient pas conservé à travers leur défaillance une idée gouvernementale, bonne ou mauvaise, mais enfin une idée. Chez la femme politique, au contraire, la sensation a remplacé l'idée. On me dira encore que par une éducation virile, on changera tout cela. Soit, il restera toujours à la femme la faiblesse physique. Et bien qu'on nous objecte qu'il y a des femmes beaucoup plus fortes que certains hommes, je répondrai que ce n'est là que l'exception, et que dans l'état normal, l'homme a reçu en partage la vigueur, et la femme la délicatesse. En 1791, la célèbre Olympe de Gouges disait dans sa déclaration des droits de la femme « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Que répondit Madame de Gouges si on lui eût opposé ceci ? La femme a le droit d'être atteinte par les obus, elle doit avoir également celui d'être soumise à la conscription. Olympe de Gouges aurait répondu que la constitution physique de la femme et les lois de la maternité la dispensaient naturellement du service militaire. C'est absolument ce que nous pensons au sujet de la généralité des fonctions publiques. Et si l'on ajoute à cette cause matérielle la cause morale que nous a révélée l'histoire, on aura répondu à cet autre argument qui appuyait la thèse de Madame de Gouges et que, de nos jours, on a répété, après cette émancipatrice, « La femme concourt, ainsi que l'homme, à l'impôt public. Elle a le droit, ainsi que lui, de demander compte à tout agent public de son administration. » Mais fut-il prouvé que la femme peut avoir le même genre de capacité intellectuelle que l'homme ? Fut-il encore prouvé, par impossible, qu'elle a autant de force physique que lui ? Je trouve qu'il n'y aurait là aucun argument à faire valoir en faveur de son émancipation politique. Il ne s'agit pas de savoir si la femme peut agir comme l'homme. Il s'agit de savoir si, en empiétant sur les attributions masculines, elle peut remplir les fonctions pour lesquelles elle a été créée, et que révèle jusqu'à son organisation physique. On objecte qu'une femme peut concilier ses droits politiques avec ses devoirs domestiques. Je crois que cette opinion ne peut être soutenue que par les hommes qui ne savent pas ce que c'est qu'un ménage, ou par les femmes qui n'en ont pas. Mais pour qui comprend l'étendue des devoirs que comporte le rôle domestique de la femme, ce n'est pas trop dire que sa vie entière y doit être occupée, soit qu'elle vaque elle-même aux soins multiples du ménage, soit que dans une situation plus élevée, elle joigne aux sollicitudes de l'épouse et de la mère l'active surveillance des parties à la maîtresse de la maison. Toutes les femmes ne se marient pas, dira-t-on. Sans doute, mais c'est la minorité, et parmi les vieilles filles, combien n'ont pas gardé le célibat pour remplir une mission filiale ou fraternelle qui suffit à absorber une vie. Cependant, il fut au Moyen-Âge un temps où la femme jouit des droits politiques et civiques. Comme jeune fille, comme veuve, la dame du fief exerce sans tuteur dans le droit féodal toutes les attributions de la souveraineté. Suzeraine, elle reçoit le serment de ses vassaux. Vassale, elle prête elle-même ce serment. Dans ses domaines, elle octroie des chartes, elle donne des lois, elle rend la justice. Selon le droit coutumier, la bourgeoise peut être choisie pour arbitre. Mais répétons-le, ces privilèges n'étaient accordés qu'à la femme qui n'était pas en puissance de mari. Et les plus nombreux étaient restreints à un petit nombre de femmes, qui par leur haute situation sociale disposaient de loisirs inconnus à la femme du peuple. Puis, si l'on excepte les très rares occasions où la châtelaine siégeait avec ses pairs, elle restait à son foyer pour rendre la justice, pour recevoir l'hommage de ses vassaux. Il n'en serait pas de même pour celles de nos contemporaines qui visent à remplir le mandat du député, du conseiller municipal, les fonctions du juge et les autres emplois publics réservés aux hommes. D'ailleurs, le Moyen-Âge lui-même ne maintint pas les privilèges qui donnaient à la femme des préoccupations étrangères à celles du foyer, et le droit romain lui retira ses droits politiques et civiques. Au XVIe et au XVIIe siècle, les doctrines émancipatrices de Marie de Romieux, de Mademoiselle de Gournay, se perdent dans le vide. Toujours la France, avec ce bon sens qui, en dépit de bien des folies passagères, est au fond de son esprit national. Toujours la France a repoussé l'émancipation. L'abaissement de l'homme au profit de la femme. D'ailleurs, avant de nous émanciper, il est bien juste que, par ce temps de suffrage universel, on nous demande s'il nous plaît d'être jetés dans l'arène publique. Si l'on nous interroge, et toutes celles d'entre nous qui ont le sentiment de leur devoir seront unanimes à repousser la motion. Pour se détacher d'une immense majorité, il n'y aura que quelques femmes déclassées, quelques personnalités tapageuses, enfin, qu'on me passe le mot, quelques fruits secs de la famille. Pourquoi donc alors tant de zèle pour nous imposer des privilèges que nous repoussons ? Pourquoi les socialistes d'aujourd'hui réclament-ils pour la femme les droits politiques que lui déniaient énergiquement les hommes de 93, ces révolutionnaires dont ils se proclament avec orgueil les fils et les héritiers. La raison en est simple. La question politique se double aujourd'hui de la question religieuse. Je ne sais si nos émancipateurs sont aussi persuadés qu'ils le disent de nos capacités politiques, mais il est une autre force qu'ils nous reconnaissent avec raison. C'est la foi qui assure notre influence religieuse. Ils savent que la femme est à son foyer, la gardienne des vérités qu'enseigne l'Église. S'ils réclament l'affranchissement de la femme, c'est bien moins pour la délivrer de prétendues chaînes dont elle ne se plaint pas, que pour l'arracher elle-même à la garde des saintes croyances. Ils croient savoir aussi que la femme a généralement peu de goût pour les institutions républicaines. Ils espèrent qu'en faisant miroiter à ses yeux la perspective de l'émancipation, elle tombera en leur pouvoir, et c'est si bien un intérêt de secte qui est ici en jeu, que le plus fidèle avocat de l'émancipation des femmes désire qu'elles ne jouissent pas immédiatement du droit de suffrage, très assuré qu'il est que sur 9 millions de femmes majeures, quelques milliers à peine voteraient librement. Le reste irait prendre le mot d'ordre au confessionnal. Ce n'est que lorsque la libre pensée aura émancipé l'esprit des femmes que leurs défenseurs les jugeront dignes du droit de suffrage. C'est sans doute aussi pour le même motif que nos aptitudes aux fonctions d'avocat et de magistrat, aptitudes parfaitement reconnues d'ailleurs, pourront n'être employées que plus tard. Ce sera plus prudent, pour la libre pensée. En attendant, on réclame pour nous l'accès à toutes les autres fonctions, civiles bien entendu, car malgré l'habileté stratégique que nous reconnaissait au XVIe siècle Marie de Romieux, on s'obstine à ne point placer au nombre de nos droits celui de défendre notre pays par les armes, mais cela viendra. Et lorsque cette fois encore nous demandons comment nous pourrons accorder nos fonctions publiques avec nos devoirs domestiques, on nous répond que l'ouvrière quitte bien sa maison le matin, pour n'y rentrer que le soir. Mais que produit cette absence de la femme? Monsieur Jules Simon va nous le dire. Le travail des femmes, quels sont les emplois et les professions qu'elles peuvent exercer? Autrefois, dit Monsieur Jules Simon, l'ouvrier était une force intelligente. Il n'est plus aujourd'hui qu'une intelligence qui dirige une force. La conséquence immédiate de cette transformation a été de remplacer presque partout les hommes par des femmes, en vertu de la loi de l'industrie qui la pousse à produire beaucoup avec peu d'argent, et de la loi des salaires qui les rabaisse incessamment au niveau des besoins, pour le travailleur sans talent. On se rappelle les éloquentes invectives de M. Michelet, l'ouvrière, mot impie, sordide, qu'aucune langue n'eût jamais, qu'aucun temps n'aurait compris avant cet âge de fer, et qui balancerait à lui seul tous nos prétendus progrès. Si on gémit sur l'introduction des femmes dans les manufactures, ce n'est pas que leurs conditions matérielles y soient très mauvaises. Il y a très peu d'ateliers délétères et très peu de fonctions fatigantes dans les ateliers, au moins pour les femmes. Une soigneuse de carderie n'a d'autre tâche que de surveiller la marche de la carde et de rattacher de temps en temps un fil brisé. La salle où elle travaille, comparée à son domicile, est un séjour agréable, par la bonne aération, la propreté, la gaieté. Elle reçoit des salaires élevés, ou tout au moins très supérieurs à ceux que lui faisaient gagner autrefois la couture et la broderie. Où donc est le mal? C'est que la femme, devenue ouvrière, n'est plus une femme. Au lieu de cette vie cachée, abritée, pudique, entourée de chères affections, et qui est si nécessaire à son bonheur et au nôtre même, par une conséquence indirecte mais inévitable, elle vit sous la domination d'un contremaître, au milieu de compagnes d'une moralité douteuse, en contact perpétuel avec des hommes, séparés de son mari et de ses enfants. Dans un ménage d'ouvriers, le père, la mère sont absents, chacun de leur côté, 14 heures par jour. Donc il n'y a plus de famille. La mère, qui ne peut plus allaiter son enfant, l'abandonne à une nourrice mal payée, souvent même à une gardeuse qui le nourrit de quelques soupes. De là une mortalité effrayante, des habitudes morbides parmi les enfants qui survivent, une dégénérescence croissante de la race, l'absence complète d'éducation morale. Les enfants de 3 ou 4 ans errent au hasard dans les ruelles fétides, poursuivis par la faim et le froid. Quant à 7 heures du soir, le père, la mère et les enfants se retrouvent dans l'unique chambre qui leur sert d'asile, le père et la mère fatigués par le travail et les enfants par le vagabondage. Qu'y a-t-il de prêt pour les recevoir? La chambre a été vide toute la journée. Personne n'a vaqué aux soins les plus élémentaires de la propreté. Le foyer est mort, la mère épuisée n'a pas la force de préparer les aliments. Tous les vêtements tombent en lambeaux. Voilà la famille, telle que les manufactures nous l'ont faite. il ne faut pas trop s'étonner si le père, au sortir de l'atelier, où sa fatigue est quelquefois extrême, rentre avec dégoût dans cette chambre étroite, mal propre, privée d'air, où l'attend un repas mal préparé, des enfants à demi sauvages, une femme qui lui est devenue presque étrangère, puisqu'elle n'habite plus la maison et n'y rentre que pour prendre à la hâte un peu de repos entre deux journées de travail. S'il cède aux séductions du cabaret, les profits s'y engouffrent, sa santé s'y détruit. Et le résultat produit est celui-ci, qu'on croirait à peine possible, le paupérisme au milieu d'une industrie qui prospère. M. Jules Simon juge que l'élévation des salaires pour les hommes, la création des cités ouvrières, la moralisation du peuple permettrait de supprimer le travail des femmes dans les manufactures. Ce serait un grand progrès, mais dont la réalisation semble malaisée au réformateur lui-même. Les cercles catholiques d'ouvriers ont mis récemment cette question à l'étude. La transformation qui s'est opérée dans l'industrie a multiplié une autre classe de femmes qui ne peuvent rester chez elles. Ce sont les employés de commerce. Les grandes maisons de nouveautés viennent se substituer à une foule de boutiques que les femmes tenaient sans quitter leur foyer. Ces vastes établissements occupent un grand nombre de femmes. Mais ce sont généralement de jeunes filles qui peuvent plus aisément que la mère de famille chercher le pain quotidien hors de la maison. Sans doute il vaudrait mieux que la jeune fille pût rester à ce foyer paternel, où s'abrite si naturellement son innocence. Mais c'est un rêve irréalisable. Il est évident que la femme seule peut et doit vendre ce qui se rattache à l'habillement de la femme. Il est ridicule de voir des hommes remplir cet emploi, et le ridicule touche à l'immoralité quand il s'agit de vêtements qu'il faut faire essayer. Cette remarque s'applique non seulement aux commis de magasin, mais aux couturiers, qui de plus enlèvent à la femme un des rares états qui peuvent l'occuper chez elle. Au XVIIIe siècle, on se plaignait déjà de voir les hommes empiéter sur le droit naturel qu'ont les femmes à toute la parure de la femme. Tout en déployant donc que les conditions actuelles du commerce arrachent tant de femmes au foyer domestique, nous ne pouvons que souhaiter ici qu'elles occupent dans les magasins une place plus considérable, pourvu toutefois que ces établissements, réservant aux mères de famille les travaux qu'elles peuvent faire chez elles, emploient au service de la vente les femmes qu'un devoir maternel ne fixe pas à la maison. Mais avec quelle prudence les chefs de ces maisons ne doivent-ils pas veiller sur les jeunes filles et les jeunes femmes qui se trouvent en contact journalier avec les commis de magasins, avec les acheteurs? L'ouvrière, l'employé de commerce ne sont pas les seules femmes qui aient à chercher au dehors le pain quotidien. Que de femmes, que de mères, courent le cachet du matin au soir. Il est vrai que la femme professeure reste dans cette mission éducatrice, qui est avant tout maternelle. Il est vrai aussi qu'elle est moins exposée que l'ouvrière et l'employé de magasin à des contacts corrupteurs, et encore n'en est-elle pas toujours préservée. Mais il n'en est pas moins vrai non plus que si elle est mariée, le ménage souffre de son absence, et que ses enfants sont abandonnés à une garde étrangère. Comment remédier à de telles situations? C'est bien difficile. En admettant même que l'éducation des salaires et des petits traitements permettent à la femme de l'ouvrier ou de l'employé de rester chez elle, il y a toujours un grand nombre de filles et de veuves qui ne peuvent subsister que par elles-mêmes. Si la veuve n'a pas d'enfant qui réclame ses soins, elle est ici encore, comme la jeune fille, plus libre de vaquer aux occupations extérieures. Mais dans le cas contraire, quelle situation plus pénible que celle qui la contraint à abandonner chaque jour ses enfants, afin de leur procurer la nourriture qu'elle est seule maintenant à leur pouvoir donner. Ainsi fait la mère du petit oiseau, mais dans le nid où elle le laisse, celui-ci court moins de danger que l'enfant dont l'âme aussi bien que le corps est soustraite à la vigilance maternelle.